On vous en parle depuis jeudi dernier, le lendemain de leur prestation en première partie de Diamond and Queen. Je ne sais même pas c'est quoi, mais en tout cas. Donc, Cidron et les Chiens de tête qui sont ici même en studio. Donc, première fois, je pense, radiophonique, les gars, on peut dire. Donc, on va aller écouter la pièce à la plage de Nudis. On écoute ça, puis ensuite, on revient avec une entrevue avec les gars. Donc, quand vous voulez, je vous laisse aller. Soleil d'en face, un petit vent smooth d'un cheveu, pis une canne de bière, le vin frais d'un main, les deux pieds dans l'eau. On travaille pas personne, on veut juste se péter, pis boire des filles, à poil jouer au volet, on check pas les grands-mères. Celles qui ont des beaux derrière, pense qu'on liste des problèmes, qu'il y a sa terre, bon bruit toute la journée, en chantant, oh, oh, oh. C'est un beau dimanche après-midi, si à la plage de nudiste. Bébé, viens donc nous voir, pis enlève ton maillot, pis amène donc. M'amène pas ta grand-mère. Oh non, juste celles qui ont des beaux derrière. On se colisse des problèmes qu'il y a partout sur la terre. On boit toute la journée en chantant. Oh, oh, oh. C'est un beau dimanche après-midi sur la plage de nudistes. Ta grand-mère, oh non, juste celles qui ont des beaux derrière. On se colisse des problèmes qu'il y a partout sa terre. On boit toute la journée en chantant. Oh, oh, oh, oh. Hey, c'est un beau dimanche, un dimanche d'après-midi. Oui, c'est un beau dimanche après-midi. À la plage de nudistes. Wow! Merci, Citron. Merci. Les Chiens de tête. Une belle prestation, les gars. Vous pouvez reprendre les micros. Ça vous tente de nous jaser un peu. Oui. Excellent. Tiens, on va y aller avec toi, Citron. Oui. En commençant. Tiens, d'où ça vient ce nom, Citron? Sous ton côté acide? C'est mon côté acide, un peu citrique peut-être, okay. Même sur les bords en okay. fait. Et puis, la formation existe depuis combien de temps? La formation Citron et les Chiens de tête, ça c'est né autour d'un rond de poêle avec du couteau. Ah, je comprends pas ce que tu veux dire, mais en tout cas. On se réchauffe comme on peut, okay, ben oui, les hivers sont très froids. Au Québec, puis, c'est comme ça. Oui, en 2006, en fait, on a commencé à écrire les chansons autour d'un rond de poêle comme ça entre amis. On voulait faire un hommage aux chansons des années 70, mais on s'est fait voler l'idée par Sylvain Cossette, a fallu innover. Ben, je comprends. C'est comme ça. Et puis, les spectacles de Citron et les Chiens de tête, qu'est-ce que ça a l'air de l'air? Oh, mon Dieu! Les spectacles de Citron et les Chiens de tête, en fait, ça finit... on sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit. Il y a quelques... Le drummer puis le bassiste, eux autres, des fois, ça finit d'une façon assez étrange. Là. Ah! Des sous-entendus là-dedans. Là. Je vous reconnais un peu. Les gars, vous avez été dans plusieurs bands, vous avez fait des projets, etc. Vous pouvez en jaser, si vous voulez, de votre background musical. Là. Parce que je vous ai déjà vu sur des stages avant ça, disons. Ouais, ben, on a déjà joué dans Unwise, nous trois, mais pas de Citron. Pas de Citron, exact. C'était bon, on a si. C'est de la grosse qualité dans ce temps-là. Ouais. Oui, oui, dans ce temps-là. On a eu pitié du frère de Christophe, fait qu'on l'a embarqué, puis... OK. Ah, vous êtes frère? Oui, mais oui, Daubert, qui est à la batterie, c'est mon frère. OK, ben, oui. C'est cool ça, une histoire de famille, excellent. Exact. Et puis les prochains shows qui s'en viennent pour Citron, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a de prévu? Pour ce qui s'en vient dans l'avenir, il y a un tournage d'un deuxième vidéoclip sur la chanson Les danseuses. Wow, une de mes préférées. Mais qui est dur à censurer, par exemple. Donc, il y a des coches qui manquent un peu. Exactement. Mais c'est ça. Pour ce qui est des projets, on a un tournage qui s'en vient au chic cabaret l'unisex de Saint-Luc-de-Vincennes, qui est un endroit très classe. Mais je pense que vous êtes chanceux côté réalisateur, par exemple. Oui, il n'y a rien de confirmé. Il n'y a rien de confirmé, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas tout de suite parce qu'il n'y a rien de confirmé. C'est pour ça, on n'en parlera pas, exact. Mais ça serait le fun que ça soit ce que tu me disais l'autre fois. Tout à fait. Parce que c'est une bonne pointure quand même à trois heures. Et puis, à part de se réchauffer autour d'un rond de poil, le processus créatif de Citron les chiens de tête, ça serait quoi? Disons qu'il y a eu beaucoup de réchauffement quand même. Mais le processus créatif, c'était... Ou le but de Citron les chiens de tête. Ben oui, peut-être plus le but, c'est d'aller à un moment donné, juste au-delà de la petite limite, puis de l'espèce de stock-up de la musique en français. Tu sais, il y a des choses dans Citron et les chiens de tête. Si on parle de la fameuse chanson du curé, c'est une chanson qui se démodera pas, parce que pour les 20 prochaines années, on va entendre des histoires du genre. exact, impliquant des curés. Fait que je pense que c'est correct de brasser un peu. Ben, tant qu'ils seront pas morts, on n'en entendra pas trop parler, mais qu'ils meurent tous, là, ça va sortir. Exactement. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, c'est de brasser un peu de fumier sur tout l'univers qui existe pour en faire pousser des belles plantes. Des belles fleurs, des champignons. Tout à fait, pour retourner au rond de poil. En fait, c'est un loop. Exact. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire tantôt? Pendant que tu parlais, j'avais le goût de te dire de quoi. Ah oui, on peut voir cette vidéo-là, sur le musée Le Curé, disons? Oui, c'est disponible sur YouTube et même sur la page Facebook de Citron et les chiens de tête. Avec qui vous avez travaillé? C'est une belle job, sérieux, dans une belle église qui est Sainte-Cécile? Dans une magnifique église qui est Sainte-Cécile, Olivier... Duval-Laberge. Exact. Olivier Duval-Laverge. Des beaux plans sur Dolly. Il y avait le nom qu'il fallait. Des beaux plans sur des Dolly puis tout. Hein, vous étiez. Exactement. C'est le fun au bout. Ouais, et puis. Est très professionnel. Comment? Le gars est très professionnel. Oui, ben ça paraît quand on le voit. Puis votre son aussi, votre son sur album sonne comme une tonne de briques. Ça sonne vraiment bien. Merci Martin Baudry pour merci ça. Merci à Martin Baudry, exactement. Puis je voudrais en profiter aussi pour remercier, parce que souvent on en parle un petit peu moins, mais la pochette de l'album qui a été dessinée par un dessinateur alcoolique qui se trouve être mon voisin, le coq en personne. En deux jours, il nous a sorti ça avec une bonne provision de cheminots. C'était sa paye, le cheminot? Oui, tout à fait. Il nous a fait un job assez épouvantable avec pas beaucoup de temps, en fait, puis exactement qu'est-ce que ça prenait pour donner une attitude au projet. Ben, puis ça a sorti ça, en plus, sur une belle pochette Digipack. Ça fait sérieux au bout. Exactement. Mais c'est vrai, j'ai pas eu moyen de m'en payer juste une pochette Digipack. Ça va bien, vous êtes quatre, hein, pour payer, séparé un peu. Et puis, justement, côté nouvelle compo, parce que là, nous autres, on l'a écouté pas mal cet été. Il commence à être brûlé dans le char, là, le disque. Là. Je connais trop par... Non, c'est pas vrai. On l'écoute beaucoup, mais il s'en vient-tu des nouvelles tracks? Il s'en vient quelques nouvelles chansons. Peut-être pour cet hiver, ça va être à voir, mais... Mais vous allez avoir le temps, là, cet hiver. C'est plus exactement, relax. Exactement. Faut que tu te réchauffes l'hiver. Faut se réchauffer, tout à fait. Puis non, il y a quelques très grosses pièces qui s'en viennent, en fait. Excellent. Un album pour le printemps, ce serait excellent. Un album pour le printemps, en fait, ce serait probablement... Le bonheur. Oui, le bonheur total. Donc, on va vous faire jouer, c'est clair ici. Vous nous enverrez ça, on se contactera. Et puis, justement, les prochains shows, tu me dis, il n'y en a pas vraiment de cet été-là, là? Non, c'est ça. Là, on focus pour ce qui est pour un tournage. Là, pour, OK, là, c'est le clip. Exactement, pour un nouveau vidéo. Puis un coup que ça va être fait, puis en même temps... on n'est jamais fermé à rien. Ben c'est ça, il peut arriver quelqu'un qui vous demande de faire un show, puis go, oui, on y va. Oui, pas de problème, on est prêt. Les choses souvent comme une semaine ou deux à l'avance. Donc, on le dit, si vous êtes un band du coin ou même pas de Montréal, vous avez le goût de faire un tour à Trois-Rivières. Un ben à avoir là, avec vous autres. En plus, ils amènent du monde, eux autres. C'est ça qui est le fun. Des fois, je me rappelle, on est allé, Charles-André et moi, on est allé au Nord-Ouest, et puis le show s'est presque vidé quand vous avez fini. Fait que, en tout cas... Ça indique ce que ça indique. Les gens étaient là pour vous. Y a un autre truc que je voulais savoir. Ah, en tout cas, fuck. C'est pas grave. À part le ce que, parce que moi j'entends tout le temps des influences genre comment ça s'appelle autre chose, Plume, des trucs genre, un peu à la Green Day. C'est quoi vos influences? C'était pas mal, ça ressemble. Ben, je pense que t'es pas mal dans le mille en fait. T'sais, c'est un peu la musique qu'on écoutait quand on était au secondaire et puis qu'on a juste remis un peu. Mais moi j'entends souvent la comparaison avec Plume, j'ai toujours de la misère à comprendre un peu, parce que Plume, en fait, c'est un grand poète, c'est pas qu'un vulgaire personnage. Si les gens comparent qu'est-ce qu'on fait à Plume, dans un sens, c'est bien flatteur, mais je pense que c'est complètement à l'opposé, à mon OK. sens. Ben, pas au son, en tout cas. Non. Mais au son, je trouve que ça sonne... Venir dans ses bas, là, c'est du Plume, je trouve. Oui, ben, c'est sûr que c'est ça, c'est des influences. Quand je dis c'est du Plume, je dis pas ça de façon négative. Non, mais non, c'est non, vraiment, c'est... justement, comme c'est une grosse pointure quand même, Plume, là, comme tu dis, c'est je un pense poète. C'est la voix là. De notre chanteur qui peut peut-être ressembler un petit peu. Ouais, puis certains textes qui sont quand même grivois, qui Plume avait quand même un côté grivois. Oui, oui, il n'a pas poussé peut-être aussi loin, mais il a peut-être poussé aussi loin dans des doubles sens, dans des triples sens. Ah, là. Exactement, à ce sens-là. Puis peut-être, c'est sûr que le côté Plume, parce que Citron et les chiens de tête en spectacle, c'est complètement différent. Que, ouais, ça rock en salle, là. C'est bon. Ça torche. Exactement, c'est des parties d'alcooliques, c'est... c'est un peu ça. Ça a l'avantage d'être clair. Oh, ben, ça mérite d'être très honnête. Ça, c'est clair. Citron et les chiens de tête, c'est en plein ça, il n'y a aucune... Je pense pas que j'ai aucune prétention hein, non plus. C'est ça non, qui est intéressant de non, voir aller. Non. Puis moi, ce que j'ai aimé de jaser avec vous autres après les shows, tout ça, c'est il y a bien du monde qui va lui faire écouter ça, puis il s'imagine que vous êtes des caves quand que après, là, t'sais, genre dans le monde normal. Mais non, mais c'est quand même aussi des personnages, même si c'est authentique. Ah oh, ben oui, ça c'est des personnages quand même. Tout à fait. Vous êtes vous faites un show, tu sais. Oui, ben oui, on fait un show. puis de toute façon, vous devriez voir Danger avec un bébé dans les bras, c'est de toute beauté. Ça réconforte. Hein? Oui. Ça ramène les choses. Bon, et puis si on veut vous acheter, est-ce possible de trouver vos tracks à quelque part, que en show ou bien au dîner de con? Ben, il y a des trucs disponibles sur MySpace, / Citron et les chiens de tête. Sinon, c'est en vente chez tous les bons dealers, c'est-à-dire à mon appartement. Excellent. Mais iTunes, tout ça, ça vous intéresse pas? Parce que tu te prends un compte, à cette heure, ça va te coûter 30$ par année, puis les tunes vont être disponibles sur iTunes. Ce serait probablement... Je pense que ce serait une bonne idée. Très intéressante. Notre plus grande qualité, nous autres, si on les chiens de tête, c'est notre... La vente, hein? Oui, mais je pense qu'on a toute cette force-là. De toute façon, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est content que des gens comme vous deux au Dîner de cons ayez quand même des testicules en béton. On peut dire testicules? Oui, ça se dit, c'est le terme médical, il est parfait. Ayez quand même des testicules en béton pour justement appuyer un projet comme ça, parce qu'il y a des portes qui se ferment automatiquement. Ben, c'est sûr que c'est ça, vous n'avez pas choisi la voie de la facilité. Non, on a joué non. Une fois à Champlain, okay. Lors d'une Saint-Jean-Baptiste, et puis on a reçu une lettre du conseil municipal comme quoi qu'on n'avait plus le droit de jouer. C'était la dernière fois. En lieu public. Oui, on a été bannis sur nos propres dans terres. Dans vos terres, hein? Nul n'est prophète en son pays. Ben, ce qui est une très grande fierté, d'ailleurs, si on regarde qu'est-ce qu'il a fait après. Ce qu'ils ont produit, etc. Oui, non, c'est ça, mais exact. Ça ferme beaucoup de portes, puis c'est bien apprécié, justement, de voir que des gens ont le courage de... Ben, nous autres, c'est un peu pour ça, parce que je me dis, Chris, les gars font de la bonne musique, ils ont le droit de jouer, et c'est pas parce que leurs paroles dérangent certaines personnes qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une tribune. Exactement. Moi, c'est vraiment juste ça. Je me suis dit, puis il y a du monde, en tout cas, il y a des gens qui m'ont dit hey, c'est juste parce que t'as pas le droit d'en tourner que t'arrêtes pas d'en mettre. Au début, il y avait un peu de ça, mais après l'avoir écouté tout l'été, c'était pas du tout ça. C'est parce que je trouve que c'est bon, puis les tracks, ils me roulent dans la tête. Des fois, même, ils m'énervent parce qu'ils me roulent trop dans la tête. C'est vraiment catchy là, comme pièce. Puis moi, comme je disais, si t'as aimé à l'époque, je parle des vieux, là, mettons, qui ont trippé autre chose, puis tout ça. Autre chose, là, Lucien Francœur, c'était j'ai le stéréo dans mon cerveau, puis j'ai de l'univers dans ma cuillère. Là, c'était assez frappe dans le dash. Moi, je vois pas... le grave de ce que vous faites. Là. Tout à fait, mais je pense que dans... C'est sûr que, qu'au Québec, si on regarde qu'est-ce qui joue sur les ondes commerciales, je pense qu'on a été... c'est très abrutissant. Et puis, de voir... tu sais, quand on parle que notre rocker au Québec, c'est Rick Lapointe, je pense qu'on a un problème. On s'est trompé. Ben, ça me fait penser à Johnny Hallyday. Tout à qui fait. Est toujours considéré comme un grand rocker. Peut-être qu'il y a une vie de rocker, comme Éric Lapointe. Il y a une vie de rocker, mais le son, là, il y a zéro rock là-dedans. Là. Exactement. Moi, j'ai toujours dit que si Éric Lapointe avait voulu, était vraiment un rocker, il aurait écrit qu'il se ramenait la serveuse, pas qu'il aimerait la ramener, ce qui est très loser, cruiser à waitress, assis au bar, ben chaud. Mais c'est facile, hein? Exactement. Pauvre fille est payée pour t'écouter. Oui. Puis c'est un passeport pour la veuve pognée. Ah, c'est ça. Donc, à ce moment-là, non, c'est ça. Puis je pense que quand on dérange, ça finit toujours par rapporter en bout de ligne. Ça prend du temps. C'est un sentier pas tant défriché qu'on a choisi, mais tranquillement, ça commence à... Ben comme on jasait, justement, tout le travail que tu fais ne peut pas être perdu dans l'univers. Exact. Non, mais ça a l'air bien profond, mais c'est vrai. Parce que ce que tu travailles, ce que tu fais, ce que tu pousses, quand tu y crois, puis tu le fais avec amour, avec passion, mais je pense que tu le fais pas pour rien. T'sais. Même peu importe, ça va être le monde qui va aimer ça. Moi, j'ai vu vos shows, puis je veux dire, la paye est là, là, quand tout le monde chante tes tracks. Exact. Excuse, mais exact. C'est payant, c'est trippant. Ça veut dire quelque là. Chose, puis comme j'ai toujours dit, Citron et les chiens de tête, c'est un projet qu'on crache en l'air, puis qu'on espère qu'il nous retombe d'en face. Excellent. À ce moment-là, ça peut pas être mieux. Ben merci, Citron et les chiens de tête. Ouais, les gars, si vous avez quelque chose à nous dire, vous êtes bien ouverts. Mais en tout cas, vous faites si bien en musique. Bon, c'est comme ça. En tout cas, nous, on va poursuivre en musique. On va avec de quoi? Une gang qui marche vraiment fort. J'espère que vous aimez ça. C'est Galaxy. Je sais pas si vous connaissez oui, leur dernier fait, album. Ça torche un moyen temps. On est avec la piste 1, tu sais, qui fait longtemps qu'on n'a pas écouté. On le fait peut-être un an quasiment. On y va. Et puis, on vous dit merci. Puis, on vous dit dès que vous avez quelque chose de nouveau, les gars, ben, avertissez-nous. Facebook, n'importe quoi. Il n'y a pas de trouble. C'est merveilleux. C'est merci cool. Merci encore yes. à vous autres, les gars, pour votre soutien. Donc, Citron et les chiens de tête, allez chercher l'album sur MySpace ou bien posez-nous la question ici au Dîner de con. On va vous répondre.